Le stratagème mis en place par Coviel ayant fonctionné jusqu'au bout, on appelle un notaire pour marier Lucille à Cléante, et également Dorimène et Dorante, pour apaiser les soupçons de Madame Jourdain. En attendant le notaire, est produit un ballet qui clôt la pièce.